On va commencer notre cours, Inch'Allah Ta'ala, concernant l'explication de Kitab al-Tawhid de l'imam Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah. Et donc, on est arrivé à la parole de l'auteur. Babun man sabba ad-dahra faqad adha Allah. Allahu Akbar. Chapitre, celui qui insulte le temps aura certes fait du tort à Allah. Comment ça? Celui qui insulte le temps aura fait du tort à Allah? On va voir ça tout de suite. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, et la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilmin inhum illa yahunnun. Et ils dirent, du moins, ils dirent, cette vie n'est que la vie d'ici-bas. Il n'y a que la vie présente, que la vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons. La seule chose qui nous fait périr, c'est Allah. Et donc ici, la seule chose qui nous fait périr, c'est le temps. Ils disent, la seule chose qui nous fait périr, c'est le temps. Et donc ces gens-là, ils rejettent, barakallahu fikoum, la résurrection. Ils rejettent le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui gère tout. Ils n'ont aucune science de ce qu'ils disent. Ils ne se basent que sur des opinions, des conjectures. Et donc ça, c'est barakallahu fikoum. Le sujet de ce chapitre est lié à la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'une personne va insulter le temps, parce qu'il pleut ou autre, ou parce que à tel et tel moment, il lui est arrivé une mauvaise chose, une chose qu'elle n'aime pas, et donc la personne va insulter le temps durant lequel telle chose qui lui est arrivée, elle ne l'apprécie pas. Et ça, en réalité, c'est une critique concernant la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car rien ne se produit, rien ne se passe ici, sur terre ou dans les cieux, sans que cela ne dépende de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala et de sa sagesse. C'est lui qui gère toute chose. Que nous soyons au courant de cette sagesse ou pas. Et donc celui qui va insulter l'année, parfois les gens vont insulter l'année, hein, parce que cette année ils ont eu plusieurs malheurs qui les a touchés, et donc ils vont insulter une année, ou insulter un mois, insulter une semaine, ou insulter un jour. Tout cela est contraire au tawhid. Tout cela est contraire au tawhid, parce que lorsque tu es muwahhid, lorsque tu es monothéiste pur, tu affirmes que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui gère toutes choses. Et que rien ne se passe sans sa volonté, ta barre, ta waterelle. Et donc tu acceptes, tu sais que ce qui va te toucher est un bien pour toi. Pourquoi est-ce que tu vas donc insulter le temps? Par contre, ce qui est mieux pour toi, c'est de dire, par exemple, quand tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Tu vois quelque chose qui ne te plaît pas, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Ça veut dire quoi la hawla wa la quwwata illa billah? Allez, frère. Tu penses quoi? Est-ce que c'est une bonne traduction? C'est ce qui est propagé. Il n'y a de puissance et de force qu'en Allah. En réalité, ce n'est pas une très bonne traduction. Même moi, ça m'est déjà arrivé de traduire comme ça. Mais en regardant les explications, par exemple, Cheikh Ibn Baz et d'autres, lorsqu'ils expliquent ce qui est voulu par là, la hawla, el hawl, ce n'est pas la puissance, el hawl. El hawl, c'est le changement. Que la situation change. Il n'y a de changement, ni de puissance qu'en Allah. Ça veut dire que l'être humain ne passe d'une situation de pauvreté à la richesse que par Allah tabaraka wa ta'ala. Ou de richesse à la pauvreté que par Allah tabaraka wa ta'ala. D'égarement à la guidée que par Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc un changement. La haoula. Le haoul, c'est le changement. Et tahawul min halin ila hal. Comme il dit l'imam Ibn rahimahullah ta'ala. Et donc tu affirmes que Allah, c'est lui qui gère tout. Tu affirmes que tu es faible, que tu dépends de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Il n'y a de changement ni de puissance que en Allah, tabaraka wa ta'ala. Je ne peux avoir la puissance ou la force de faire quelque chose que par Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu veux venir à la mosquée, mais tu n'as pas trouvé la force de te déplacer. Il faut que cette situation change. C'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui permet que cette situation change. Et cette parole, ô cher frère, comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, kenzun min kunuz al-jannah, un trésor parmi les trésors du paradis. Le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Et donc, au lieu d'insulter le temps, au lieu de prendre un péché, prends une bonne action. Ou alors, tu peux aussi dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça veut dire quoi ça? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça veut dire quoi, les frères? Inna lillah, nous appartenons à Allah. Et c'était à lui que nous revenons. Et c'est vers lui que nous revenons. Tayyib, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, on appartient à Allah, il fait de nous ce qu'il veut. Le mal qui t'a touché, ça te fait mal. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient à Allah, il fait ce qu'il veut de nous. Il fait ce qu'il veut de nous. C'est lui qui gère. Nous lui appartenons. Et donc aussi, vu que nous lui appartenons, deuxième point, nous devons lui obéir. Et c'est vers lui que nous retournerons. Est-ce que nous avons obéi et est-ce que nous avons patienté quant au mal qui nous a touché? Et donc la hawla wa la quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La personne montre donc sa faiblesse et qu'elle dépend de son Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Il est bien mieux de prononcer cela que d'insulter le temps. L'auteur qui nous dit après cela, wa fi sahih, c'est-à-dire as-sahihayn, al-Bukhari et Muslim. An Abi Hurayra radiyallahu an, an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala Allah ta'ala yu'zi ibn Adam يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. Abu Huraira radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah le Très-Haut a dit: l'enfant de Adam me fait du tort, il insulte le temps et je suis le temps, je change le jour et la nuit. Et donc, premier point de ce hadith, barakallahu fikoum, est-ce que l'être humain fait du tort à Allah? La réponse, barakallahu fikoum, on affirme ce que Allah il a affirmé. D'accord? Allah il a affirmé que l'être humain, il fait du tort. On affirme. Voilà. Mais le fait que l'être humain fasse du tort à Allah n'est pas comme le fait que l'être humain fasse du tort à l'être humain. L'être humain subit le tort. Il subit, ça lui fait mal. Allah tabaraka wa ta'ala, rien ne l'atteint. Tu ne peux pas l'atteindre pour lui faire mal. D'accord? Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, l'être humain lui fait du tort. Mais cela ne l'atteint pas tabaraka wa ta'ala. D'accord? Allah est bien au-dessus qu'on puisse lui faire du mal. D'accord? Et donc, premier point, on va affirmer cela. Et il faut bien qu'on accepte tout ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a affirmé le concernant. Ce hadith, il est dans Sahihayn, le plus haut degré d'authenticité. Et donc, il faut vraiment, quand on voit ces textes-là, il faut qu'on se base sur les textes muhkam, les textes clairs. Allah qui nous dit, Laysa kamithlihi shay'un, rien ne lui est semblable. Et donc tu vas affirmer ce qu'Allah a dit sur ce hadith. Et tu te bases sur le fait qu'Allah elle a dit que rien ne lui est semblable. Ça veut dire que toi, quand tu penses à l'être humain, parce que lorsque tu entends cette parole, faire du tort, tu penses à l'être humain qui a mis une claque à un autre, ou qui a volé l'argent d'un autre, ou qui a fait que l'autre il a subi une injustice, etc., etc. C'est à ça que tu penses, parce que c'est ça que tu connais, c'est ça que tu vois autour de toi. Mais sache que Allah, rien ne lui est semblable. Et donc tu affirmes pour Allah ce qu'il a affirmé. en sachant que Allah tabaraka wa ta'ala, aucun mal ne peut l'atteindre. Tayyib. Ensuite, deuxième point qu'il y a dans ce hadith. Est-ce que Ad-Dahru fait partie des noms d'Allah? Le temps. Est-ce que le temps fait partie des noms d'Allah? Parce que Allah, il dit, l'être humain insulte le temps, insulte Ad-Dahru. Wa ana Ad-Dahru. Et je suis Ad-Dahru. Le temps. Est-ce que parmi les noms d'Allah, il y a Ad-Dahru? Non. Pourquoi? Mais là, c'est marqué Anad-Dahru, je suis Ad-Dahru. Est-ce que parmi les noms d'Allah, il y a Ad-Dahru? Ad-Dahru. Oui, le temps. Et donc, le temps ne fait pas partie des noms d'Allah. Premièrement, Allah, lorsqu'il nous dit ici, wa Anad-Dahru, je suis le temps, il explique tout de suite après ce qui est voulu par là. Comme a dit Suleiman, je change le jour et la nuit. Et donc Allah nous explique ce qui est voulu ici, ça ne veut pas dire que son nom c'est Ad-Dahr. Ça veut dire que c'est lui qui gère le temps. C'est lui qui a créé le temps. Et donc ici, tu insultes la créature d'Allah tabaraka wa ta'ala, et donc ton insulte forcément elle remonte au créateur. Aujourd'hui, on va demander à... Donc, Suleiman, de nous faire la comptabilité de l'année dernière. Il nous fait la comptabilité de l'année dernière et il fait quelques erreurs. On va venir, on prend donc le document que Suleiman a préparé, on dit, mais frère, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, il y a un frère qui dit, mais ça où fait là? Qu'est-ce que tu as fait là, frère? Qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Ce travail n'est pas correct. Et donc, lorsque tu dis ce travail n'est pas correct, ça revient à qui? Ça revient à Suleiman. Puisque c'est lui qui l'a fait. Et donc, lorsque tu vas insulter le temps, ça revient à qui? Ça revient à Allah, c'est lui qui gère le temps. Rien ne se passe sans sa volonté, ta baraka wa ta'ala. Et donc, n'insulte surtout pas le temps. Et donc, on comprend donc, barakallahu fikoum, l'interdiction, il est interdit d'insulter le temps et cela est contraire au tawhid. Comme quand le fait on dit il fait mauvais temps. Non, là. Ça c'est. Parce que c'est pour l'être humain que c'est un mauvais temps, ça le gêne. Mais pour Allah, c'est lui qui. En fait, qui a fait les gens quand ils disent mauvais temps, peut-être qu'ils veulent dire, bah, il ne fait pas. C'est sombre, c'est gris, oui, voilà. Il pleut, etc. Ils vont te dire, il ne fait pas beau. C'est parce que c'est sombre, c'est gris. Et ça, c'est par rapport à la vision de l'être humain. Par rapport à la vision de l'être humain. Et les gens ne se rendent pas compte qu'en réalité, barakallahu fikoum, cette pluie, nous en avons besoin. Oui, voilà. Toute la verdure que nous avons sur Martinique, etc. Nous en avons besoin de cette pluie. Tayyib. Ensuite, l'auteur qui nous dit la fin, Allah, Babun et Tassami Bikardi Al-Qudati wa Nahwi. Le chapitre concernant le fait de se faire appeler par le juge des juges et tout ce qui va dans ce sens. Fis sahih an Abi Hurayrata radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qol inna akhna ismin 'inda Allah rajulun tasamma malik al-amlak la malik illa Allah qol Sufyan مثل شاهان شاه وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. Et donc l'auteur ici qui nous cite ce texte, donc qui est dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih al-Muslim, d'après Abu Hurayrata radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le nom le plus vil auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, le nom le plus vil, le plus bas auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça montre la bassesse. Un homme qui se fait appeler le roi des rois. Le roi des rois. Il n'y a aucun roi en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire le fait que Allah, c'est lui le maître, le roi, c'est lui le maître suprême, celui qui gère tout. Et la personne qui se fait appeler le roi des rois, elle va se mettre dans une position où elle s'associe à Allah tabaraka wa ta'ala dans cela, dans son nom, tabaraka wa ta'ala. Et donc ici, barakallahu fikoum, il y a dans ce chapitre le fait que les serviteurs doivent faire attention à délaisser les noms qui sont contraires au tawhid. Les noms qui montrent une forme d'association avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a à ce sujet plusieurs situations. Ici, je parle concernant le fait de se faire appeler Qadi al-Qudat, le juge des juges. Si cela est prononcé de manière absolue, on dit un tel, c'est le juge des juges, de manière absolue, alors là, ça c'est formellement interdit. Parce que là, la personne, elle se met donc en association avec Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'elle est juge. Juge des pas juges. Pas le juge des juges. Ouais. Parce qu'il y a des professions, tu sais. Oui, il y a la profession juge, oui. Oui, oui. Juge, mais il juge parce que... Alors, ensuite, on arrive. Mmh. On y arrive. La deuxième situation, le fait de se faire appeler juge des juges, mais dans un endroit précis. Exemple, juge des juges d'Arabie. Juge des juges en Martinique. Juge des juges de Paris, de la France. Etc. Ils disent ça, c'est permis, mais c'est détestable. C'est permis pourquoi? Parce que là, ici, lorsque tu vas délimiter, il n'y a plus, justement, d'association avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puisque là, c'est un jugement qui va être délimité. Cette personne, elle juge que en Martinique, elle juge que en France, etc., etc., etc. Et donc là, ce n'est plus à l'absolu. Et donc, on fait très bien la distinction entre le juge des juges en Martinique et Allah Tabaraka wa Ta'ala, le juge suprême. D'accord? On fait très bien la distinction entre les deux. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on dit le juge des juges en Martinique, il ne peut pas aller faire, à l'île de la Dominique, juste à côté, il ne peut pas aller faire ce qu'il fait ici en Martinique. Il va essayer, on va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Personne ne te connaît, toi. Tu es qui? Pourtant, en Martinique, il est juge des juges de la Martinique. Il arrive à la Dominique, personne ne le calcule. Il n'a peut-être personne qui revient vers lui ou autre. D'accord? Donc, là, c'est clair. Ce qui va être interdit, c'est le fait de se faire appeler de manière absolue juge des juges. Mais maintenant, c'est quand même détestable de dire concernant une personne juge des juges en Martinique. Pourquoi? Parce que la personne peut être touchée par cela et être pris d'orgueil. Hein? Le fait d'être imbu de sa personne, etc., etc. Et autres caractéristiques blâmables qui vont venir et toucher la personne à cause de cette appellation qui lui est donnée. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, donc toujours concernant les noms, باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك الله اكبر. Le chapitre concernant le respect des noms d'Allah le très haut et le fait de changer le nom à cause de cela. عن ابي شريح انه كان يكنى ابا الحكم. D'après Abu Shurayh. Abu Shurayh, le compagnon, qu'on l'appelait Aboul Hakem. Donc, avant de l'appeler Abu Shurayh, comme c'est connu de lui aujourd'hui, on l'appelait Aboul Hakem. El Hakem, c'est le juge. El Hakem, c'est celui qui juge, celui qui dirige. D'accord? Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah huwa al-hakem wa ilayhi al-hukm. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, certes, Allah, c'est lui, el-Hakem, le juge, celui qui dirige. Et le jugement revient à lui. Il est il-Hukmu. Fakale, إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. Et donc, Abu Shuraih, qui se faisait appeler avant cela Abu al-Hakam, il s'explique. Il dit, mon peuple, lorsqu'ils divergent sur un sujet, ils viennent me voir et je donne un jugement entre eux, je juge d'entre eux, et les deux parties sont d'accord. Les deux parties sont d'accord avec le jugement que j'ai donné. Et donc, d'où cette appellation qui m'a été donnée, Abu al-Hakam. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, mais ahsana hadha. Et donc là, le prophète qui lui dit, c'est bien. Et donc c'est bien ce que tu fais. C'est-à-dire lorsque les gens viennent te voir et que tu donnes un jugement correct, etc., c'est bien. Fama laka min walad. Tu n'as pas d'enfant. Kultu Shuraih wa Muslim wa Abdullah. Tu n'as pas d'enfant? Oui, j'ai Shuraih, un fils qui s'appelle Shuraih. J'ai Muslim et j'ai Abdullah. Quand la femelle Akbarhum, il dit qui est le plus grand d'entre eux? Le plus grand de ses enfants. Il a dit Shuraih. Shuraihun, afwan. Qala fa anta Abu Shuraih. Il lui a dit alors tu es Abu Shuraih. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé sa kunya. Sa kunya c'était Abu al-Hakam et il l'a changé en Abu Shuraih, rapporté par Abu Daoud et d'autres. Et donc on voit ici, comme on a dit tout à l'heure, le fait qu'il est obligatoire d'accorder un profond respect au nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ce profond respect, il implique qu'on change certains noms, on change les noms de ceux qui se sont donné des noms qui sont propres et spécifiques à Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme Al-Hakam. Et donc, on doit accorder un profond respect à cela. On a aussi dans ce chapitre, ou dans ce hadith qu'on vient de voir, le fait, le sujet des kunya. La kunya. Hein? On va avoir Abu Foulen, Abu Soukeina, etc., etc. Et vous avez vu ici que le prophète lui a donné donc le nom Abu Shuraih. Il a cité trois garçons. Shuraih, Muslim, Abdullah. Le plus grand, c'est Shuraih. Et donc, c'est Abu Shuraih, le plus grand de tes enfants. Maintenant, la personne, concernant le fait de s'attribuer une kunya, si une personne n'a pas d'enfant, est-ce qu'elle peut se donner une kunya? Oui, tu peux. Aïcha, elle n'a pas d'enfant. Et pourtant, sa kunya, c'est Ummu Abdillah. La kunya de Aïcha, c'est Ummu Abdillah. Elle n'a pas d'enfant, elle s'appelle Abdullah. D'accord? Et donc oui, c'est possible de se donner une kunya alors que tu n'as pas d'enfant. C'est possible. Ou alors, tu peux aussi attendre le fait d'avoir un enfant et de prendre la kunya liée à cet enfant. Aussi, est-ce que si ton enfant c'est une fille, est-ce que tu prends la kunya de la fille? C'est possible aussi, parce que c'est arrivé chez certains compagnons qui avaient des kunyas avec des noms de filles aussi. Donc c'est possible, il n'y a pas d'interdiction en cela. Tayyib, concernant au fait de changer de nom, est-il obligatoire, lorsque tu te convertis, de changer de nom, hein? Exemple, tu t'appelles Kevin, est-ce qu'il est obligatoire de te faire appeler Abdul Karim, de changer de nom? Tu t'appelles, j'ai oublié, Christophe, est-ce qu'il est obligatoire, hein, de te faire appeler Issa? Non. Quel est le jugement alors de cela? C'est le fait que s'il y a un nom qui a un sens, qui n'est pas bon. Voilà. Et donc, s'il y a un nom qui a un sens qui n'est pas bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il changeait les noms des compagnons lorsque leur nom avait un sens contraire à l'islam. À partir de là, il faudrait changer de nom. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'obligation. Après, certains savants vont dire donc que c'est recommandé. Pourquoi? Parce que les plus beaux noms sont donc les noms qui sont liés à la servitude. Abdullah, Abdurrahman, etc. Et donc, le fait, ça va être recommandé par rapport au fait que la personne choisisse un nom qui a un bon sens. J'avais une question. Contrairement aux noms qui, justement, n'ont pas de sens. D'accord ? On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.